Une scène au bal par Félix Dabin. Eh bien, Jenny, tu ne t'habilles pas. Ne t'occupe pas de moi, je serai bientôt prête. Tiens, voici ta cravate, tes boutons de diamant. Va t'habiller, te dis-je, je trouverai bien tout cela moi-même. J'y vais. Comme tu chiffonnes ta cravate, voyons que je te l'arrange. Eh bien, essaie, Dieu, que ce ne l'aille ridicule. Décidément, Jenny, tu n'as pas de goût, laisse-moi faire. Mais encore une fois, va t'habiller. Nous n'arriverons pas à minuit et je ne trouverai plus une danseuse. Au bout de 10 minutes, Philippe Léon, après avoir essayé une demi-douzaine de cravates qu'il éparpillait autour de lui à mesure qu'il échouait dans l'arrangement de son nœud, commençait enfin à être satisfaite d'une dernière combinaison lorsque la jeune femme entra, vêtue d'une robe de gros de Naples foncé et coiffée d'un simple ruban de la couleur de ses cheveux. « Comment ? » s'écria Philippe. « Voilà ta toilette de bal. Je serai toujours assez bien, puisque j'ai cessé de danser. Ce n'est pas moi qui t'en empêche, j'imagine. Mais n'importe. La toilette n'en est pas plus convenable pour cela. À qui, maintenant, chercherai-je à plaire ? À qui, mais à moi, d'abord. Jenny, tu n'as pas le sens commun. Après tout, arrange-toi comme tu voudras, ce n'est pas mon affaire. Maintenant, Philippe, ce n'est plus en moi que j'ai placé mon amour-propre. Tu es un excellent cœur, je le sais bien, et tu vaux mieux que moi. Mais que fais-tu donc ? Tu perds ton temps à ramasser et à replier toutes ces cravates quand voilà 11h03 qui sonnent. Viens donc, Jenny, toutes les contredanses seront engagées. Les deux époux demeurèrent silencieux durant le trajet de leur maison à l'hôtel Saint-Clair. Jenny était triste et résignée. Philippe, maussade et impatient. Celui-ci alla saluer les amphitryons et se hâta de conduire sa femme vers des parties les moins apparentes des salons, comme s'il rougissait de son peu d'élégance au milieu des riches toilettes qui étincelaient sur leur passage. Après être resté quelques minutes près d'elle, évidemment pour l'acquit de sa conscience, car l'expression contrainte de sa physionomie témoignait de l'ennui de ce devoir conjugal, Philippe s'esquiva sous le premier prétexte venu et disparut au plus épais du tourbillon des danseurs. La jeune femme, qui l'avait suivi des yeux en soupirant, essuya rapidement une larme furtive et secouant légèrement la tête comme pour chasser de son esprit les idées tristes qui y affluaient. Elle se mit à considérer, les unes après les autres, les toilettes qui chatoyaient joyeusement devant elle. Mais cette distraction forcée cessa bientôt d'en être une pour elle, et ses regards agités se remirent à épier le retour de Philippe à travers les tumultueux canaries. L'ingrat, sans doute, était heureux ailleurs, et près d'une coquette oubliée, Jenny. Et la pauvre jeune femme, abandonnée et seule, ne pouvait déjà plus, tant ses yeux s'obscurcissaient de larmes, distinguer les visages qui glissaient insoucieusement devant elle et qui tous lui semblaient moqueurs. « Comment trouvez-vous le bal ?» lui dit en ce moment une dame arrivée un quart d'heure après que Philippe s'était éloigné et qui, n'étant plus d'âge à partager les plaisirs auxquels elle assistait, voulait s'en dédommager en échangeant des épigrammes avec sa jeune voisine. « Mais charmant, » répondit Jenny avec un sourire pénible. « Vous trouvez ?» Pour les danseurs, c'est possible, car ils ne regardent qu'eux-mêmes. Mais nous, spectatrices désintéressées, nous pourrions, je crois, être un peu moins indulgentes. Il est de fait, madame, que ce spectacle m'amuse peu. Eh bien, imitons le parterre. Moquons-nous des acteurs ridicules et sifflons qui nous ennuient. C'est peut-être un tort que de médire ainsi, mais que voulez-vous qu'une vieille femme fasse au bal? Et puis vous, madame, qui êtes encore si jolie et si jeune, et dont les droits à la coquetterie seraient bien plus réels que ceux de toutes ces belles dames. Vous serez là pour justifier mes petites méchancetés, car de votre part, il ne peut y avoir rien de jaloux ni d'envieux. Vraiment, madame, vous êtes trop bonne, fort bien. Voici que vous vengez par avance les jeunes femmes que je m'apprête à critiquer. C'est de l'esprit de corps. Mais pourquoi envahissez-vous nos privilèges et nos banquettes? Depuis longtemps, je vous assure, cette place est la mienne. Comment? Vous ne dansez plus? Pourquoi faire? Je suis mariée. « Mais raison de plus. Votre mari serait-il jaloux ?»« Oh non. Tant pis. Comment cela? Un peu de jalousie ne gâte jamais rien. Cela empêche ces messieurs de nous négliger. »« Mais mon mari ne me néglige pas, madame. J'en suis certaine. Oh, ce serait impossible. Et pourtant les maris sont si singuliers. Mais mille pardons. Au lieu de songer à nous égayer, je fais de l'indiscrétion. Nullement, madame. Et je vous sais gré de votre obligeance, car, à vous l'avouer, ce bal m'attriste plus qu'il ne m'intéresse. Pauvre enfant, vous ennuyez, à votre âge, et avec une figure comme la vôtre, c'est impardonnable. Pourtant, madame, je fais tout ce que je puis. Non, car au lieu de vous mêler à ces groupes folâtres, de lutter de grâce et d'élégance avec toutes ces danseuses que vous effaceriez, si vous vouliez. Vous vous confinez dans le coin le plus obscur du salon avec les vieilles femmes. Vous vous habillez comme une petite maman de 35 ans. L'animation de la danse irait si bien à ce charmant visage un peu pâle. Une couronne de fleurs ou quelques rangs de perles feraient tant valoir cette magnifique chevelure blonde. À cette peau si blanche, à ce corsage si gracieux, le satin ajouterait tant de prix. Votre toilette est si simple, si sévère, qu'elle semble accuser la mienne de prétention. Je montre mes diamants et vous cachez les vôtres. Savez-vous, madame, à quoi un tel système aboutit le plus souvent? À nous faire oublier du monde et délaisser de nos maris. Mon Dieu, oui. Le monde et les maris sont ainsi faits. Pour eux, les trésors enfouis sont sans valeur et l'enchâssement d'une perle n'est pas son moindre mérite. Mais je crois en vérité que c'est une leçon que je vous donne. À mon âge, et quand on a de grandes demoiselles à conduire, cela, n'est-ce pas, est excusable. Continuez, madame. Toutes vos paroles, malgré la piquante frivolité qu'elles affectent, ont un grand sens, reprit la jeune femme en rêvant. Ah, Dieu ne plaise que je vous prenne au mot. Laissez-moi vous distraire, madame, c'est encore moi qui vous devrai de la reconnaissance. Et l'obligeante voisine de Jenny se mit à lui esquisser en quelques traits vifs et spirituellement exagérés la silhouette des différents modèles, hommes ou femmes, qui posaient tour à tour devant elle. Et ce qui l'excitait à presser le feu roulant de ses étincelles, c'était le sourire presque gai qu'elle surprenait sur les lèvres de la jeune femme. Tout à coup, Jenny tressaillit. Elle venait d'apercevoir son mari au milieu d'un quadrille. Il dansait avec une des femmes les plus élégantes du bal, près de qui, dans d'autres circonstances, elle l'avait remarqué empressée et enthousiaste. Philippe ne songeait plus à la pauvre Jenny, dont le cœur battait violemment. Il ne songeait pas même à cacher l'adoration emportée qu'il vouait à la belle idole. Et Jenny, levant sur eux les yeux à la dérobée, sentait retomber une à une sur son cœur et comme un poing brûlant toutes les paroles d'admiration et d'amour qu'elle devinait aux lèvres de son mari. « Voilà un couple charmant, le roi et la reine du bal, » murmura la vieille dame à l'oreille de Jenny. « Cette fois je dépose les armes. L'épigramme n'a point pris sur une sylphide aussi éblouissante, non plus que sur un cavalier aussi accompli. Si pourtant nous creusions un peu ces poétiques surfaces, que verrions-nous dans le cœur de l'un et de l'autre? Mensonge, oubli des devoirs. Mais qu'avez-vous donc, mon enfant? Comme vous devenez pâle, la chaleur de cette salle vous indispose peut-être. Voulez-vous que nous allions dans une autre? Cela se passe, merci, répondit Jenny en se contraignant pour sourire. Ce que vous me disiez m'intéressait vivement. Continuez, je vous en prie. Je veux bien. Cette dame, avec laquelle vous lutteriez fort avantageusement si vous vouliez en prendre la peine, je vous la présente comme le modèle le plus complet des séductions extérieures et des grâces d'apparat. Mais sous cette prestigieuse et frêle écorce, il n'y a rien, ni âme, ni cœur, ni esprit. Toute la vie de cette femme est dans son sourire, dans le miroitement de ses yeux, dans ses gestes, dans ses poses. C'est une merveilleuse poupée qui attire à elle tous ces hommes, esclaves qu'ils sont de la beauté visible. Ils ont bien raison. Seulement, ils devraient être moins exclusifs, et certaines femmes aussi, vous par exemple, madame. Ne me flattez pas, madame. Tout chez moi est en harmonie, et l'obscurité et la retraite me conviennent à tous égards. Et que ferai-je, moi, s'il vous plaît, lorsque les femmes de votre âge se seront mises à la réforme? Dans quel recoin des Invalides déposera-t-on les douairières? Tenez, vous avez réellement besoin de conseils. Et si j'étais votre mère? Parlez-moi comme à une de vos filles, madame. Je vous en serais ardemment reconnaissante. Eh bien, continuons notre examen. Tout à l'heure, c'était la danseuse. Maintenant, que ce soit le danseur. Si l'on m'a bien informé, il se nomme M. Philippe Léon. Jenny regarda vivement la vieille dame, mais n'apercevant rien de particulier sur la physionomie de cette dernière, ni intention mystérieuse, ni hésitation, elle comprit qu'il n'en était point connu, et se remit à écouter en baissant les yeux. C'est, poursuivit la malicieuse biographe, un jeune avocat de la plus haute espérance, très connu au foyer de l'opéra, faisant d'admirables plaidoyers au bal et nouant sa cravate avec un succès miraculeux. Savez-vous ce qu'il courtise en ce moment dans la belle madame de Virval? C'est sa robe en point d'Angleterre et l'esprit qu'elle a sur la tête. Ne riez pas, j'aborde les calembours. Oui, je vous l'assure, c'est uniquement une robe qu'il rend hommage. Que voulez-vous? Il a une jeune femme charmante, on le dit du moins, mais pot au feu, s'il en fut jamais. Vos plaisanteries, madame, sont bien cruelles, mais je ne plaisante nullement. Pour revenir à monsieur et madame Léon, je crois, pour être juste, qu'il faut les accuser tous deux. Voici leur histoire. Avant son mariage, madame Jenny était citée pour sa grâce naïve et décente, pour la calme poésie qui s'exhalait de ses grands yeux bleus, de son frais sourire et de son maintien doux et un peu nonchalant. Chez elle, tout venait du cœur, presque rien de l'esprit. Elle était aimante et bonne, intelligente et délicate, peut-être un peu passive. Enfin, c'était une de ces beautés angéliques et touchantes que recherchent surtout les enfants blasés du siècle, une de ces sources pures où nos Byron altérés disent qu'ils aiment à rafraîchir leurs lèvres brûlantes. M. Philippe la demanda en mariage, l'obtint, fut heureux quelques semaines. Puis, comme Mme Jenny fit tout ce qu'elle put pour se dépoétiser aux yeux de son enthousiaste, il arriva que M. Philippe, ne trouvant plus en elle ce qu'il avait rêvé, alla le chercher ailleurs. Tenez, en ce moment, il le poursuit près de Mme de Virval, qui n'en est que l'exagération, mais qui du moins possède à ses yeux le mérite de pécher par l'excès contraire. C'est quelque chose, quand le blanc vous fatigue, de se reposer avec le noir. Donc, Mme Jenny, qui était belle et intelligente, au lieu de cultiver son intelligence et sa beauté, cédant à la nonchalance dont le principe était en elle, se négligea de jour en jour, s'assoupit dans un affaissement terne et prosaïque, en un mot, et pour me servir de l'expression vulgaire, se laissa aller. Comme vous voyez, madame, les premiers torts et les plus grands sont à elle. Dieu me garde d'excuser jamais dans un mari l'oubli des devoirs. Qu'une femme, du moins, sache les lui faire aimer. Madame de Sévigné disait à ce propos, ou du moins avec une intention analogue, un mot bien piquant et bien vrai. La veille du mariage de sa fille avec M. de Grignan, elle voyait les 50 000 écus qui composaient la dot de celle-ci, accumulés en or sur une table. « Comment ? » s'écria-t-elle. « Tant d'argent à M. de Grignan pour lui faire accepter la plus jolie fille du royaume ?»« Oui, mais ce bonheur qu'il aura demain, il l'aura après-demain, dans un mois, dans un an, toujours. Ah, ce n'est pas trop. » Effectivement, l'amour et le bonheur ne se stipulent pas comme des immeubles ou de l'argent dans un contrat. Ce sont de ces choses qu'un long usage émousse lorsqu'on ne les retrempe pas sans cesse dans les deux poésies, celle de la forme et celle de la pensée. Je me résume, car ma définition devient un peu longue. La poésie, c'est la beauté. La beauté est partout dans la nature. Elle y prend toutes les formes, tous les langages, toutes les harmonies. À Madame Jenny, qui s'étiole et se fane dans son isolement, comme une fleur oubliée dans le coin d'une serre, il ne faut qu'un peu d'air et de soleil. Je veux vous achever son histoire. Son éducation a été pleine de bons éléments, mais aussitôt mariée, l'insouciant enfant crut que le terme de toute chose était atteint et s'ensevelit corps et âme dans la direction la plus matérielle de son ménage. Elle y prit au mot le chrysal de la comédie des femmes savantes. Une amie venait-elle la voir ? Jenny ne l'entretenait que de recettes pour confire les cornichons et faire les gâteaux de pommes de terre. Et ses amis ennuyés ou impatientés la laissaient dans son office ou son fruitier. Son mari lui parlait-il d'un ouvrage nouveau qui l'avait vivement ému, ou d'une idée qui travaillait son intelligence, elle lui répondait par des doléances sur la cherté des menus pâtisseries et autres embarras de cuisine. On compte à ce propos une foule de quiproquos fort drôles, mais je vous en fais grâce, et je termine par cet axiome. Une femme doit être la compagne de son mari et non sa femme de charge. Pendant que l'impitoyable conteuse s'exprimait ainsi, Jenny courbait la tête avec accablement, et l'on eût pu croire à ses tressaillements nerveux que chaque parole éveillait en elle un remords. Puis son front se releva lentement, chacun de ses traits s'illumina d'indignation contre elle-même et de fierté. Une étincelle d'espérance jaillit dans ses yeux. La cendre était secouée, le feu sacré venait de se ranimer. Il ne devait plus s'éteindre. Vers le milieu du bal, Philippe, qu'un caprice de la belle coquette avait humilié, vint retrouver sa femme et d'une voix concentrée par le dépit. « Ce bal est absurde, lui dit-il. Viens-t'en, Jenny. » À ces paroles, que lui apprenait le nom de sa jeune voisine, la vieille dame laissa échapper un petit cri de surprise naturelle ou bien joué. Jenny se leva en souriant, prit le bras de son mari et s'éloigna en adressant à l'obligeance douairière un salut plein de malice et de reconnaissance. Ainsi s'achève une scène au bal par Félix Davin.